Bonjour, moi je viens de Montréal. Et vous? Vous venez d'où? Moi, je viens de Toronto. Et vous? Vous êtes d'où? Je suis du nord de la France, d'Amiens. Et Laure vient de l'ouest de la France. Nous venons de Lausanne, en Suisse.